Exercice 3, page 59. A. Je l'ai eu. B. Prends cette rue. C. Il est sourd. D. Attrape la bulle. E. Dites-moi tout. F. Tu seras là ?